إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد مر علينا موسم عظيم من مواسم الخيرات وفتحت لنا أبواب كثيرة من أبواب الحسنات ونهل منها المتقون وسارع إليها الطائعون وغفل عنها المتكاسلون وحرم منها العاصون فمن منا يا عباد الله المقبول فنهنئه ومن هو المحروم فمنا فنعزيه أيها المقبول هنيئا لك وأيها المردود جبر الله مصيبتك فكم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والخسران رب قائم حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش نسأل الله تعالى القبول لنا ولكم عباد الله لقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهذا حال المؤمن مع الطاعات وحاله عند انتهائها قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة إن المنافق جمع إساءة وأمنا وكان لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها فألحوا على الله تعالى بسؤاله القبول لما قدمتم من الطاعات والثبات عليه إلى الممات عباد الله إنه وإن انتهت هذه المواسم بما فيها من الطاعات فإن عمر المؤمن كله طاعة وحياته كلها عبادة فإن الله تعالى خلق الإنس والجن ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته وحده لا شريك له يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد أمرنا الله ورسوله وقد أمرنا الله ورسوله بالاستقامة على الطاعة والثبات عليها إلى الممات فالمؤمن لا ينتهي عنه العمل إلا إذا جاء الأجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن رزق الثبات والاستقامة فإن هذا من أعظم الإنعام والكرامة قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فإنه بما تعملون بصير. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن من أعظم ما ينبغي الاعتناء به من الأسباب التي تثبت العبد أو تثبت العبد على دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سؤال الله الثبات، والإلحاح عليه في الدعاء أن يثبتك ويحسن خاتمتك، وأن لا يزيغ قلبك بعد الهدى. وقد أرشدنا الله تعالى إلى هذا الدعاء بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من الحور بعد الكور. رواه مسلم. والحور بعد الكور معناه الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فاحذروا عباد الله من ترك العبادة وهجر القرآن والمساجد بعد رمضان فترجعوا من الهداية إلى الغواية ومن الإيمان إلى العصيان. فالعبرة بالخواتيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واعلموا عباد الله أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الشهر ألا وهو شوال أنه كان يصوم منه 6 أيام. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يقابل صيام 10 أشهر، وصيام 6 من شوال يقابل 2 شهر، فكان ذلك تمام السنة وكأنما صام الدهر. فمن كان عليه قضاء فليبادر بالقضاء ثم يصوم 6 من شوال، سواء كان صام هذه 6 متقطعة أو متصلة، فكل ذلك جائز. وليس من ذلك صيام يوم العيد الذي مضى، فإن صيام يوم العيد محرم ومنهي عنه. فاجتهدوا يا إخواننا في فعل الطاعات، واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيفتاد الله Nous venons de passer un mois béni, le mois du Ramadan, dans lequel les portes du bien sont ouvertes pour nous. Et donc les pieux en ont profité. Et les gens obéissants se sont remplis de hasanat pendant ce mois-là. Et ceux qui sont dans l'insouciance, à cause de leur paresse, ont été privés de grands biens. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de nous les bonnes œuvres. Parce que l'acceptation des bonnes œuvres est encore plus importante que de faire ces œuvres-là elles-mêmes. Et qui d'entre nous est capable de garantir 100% que Allah Azza wa Jal est satisfait de ses actions? Et qui est capable d'être certain que toutes ces œuvres seront acceptées? Alors ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de bonnes actions, mais si Allah Azza wa Jal ne les accepte pas, eh bien, c'est comme si on avait fait tout ça inutilement et qu'on se serait fatigué pour rien. Et c'est pour cette raison-là qu'il est important, lorsqu'on fait des bonnes œuvres, de vérifier à ce que nos bonnes œuvres soient faites correctement et en accord avec les règles et en accord avec les conditions, et aussi de vérifier l'état de notre cœur au moment où on accomplit ces œuvres, à savoir qu'on est sincère, à savoir qu'on fait ces œuvres avec une pureté d'intention uniquement pour le visage d'Allah Azza wa Jal, et qu'on cherche uniquement son agrément à lui seul, et qu'il n'y a pas dans nos œuvres aucune forme d'ostentation ou de riya ou toute autre chose qui pourrait venir détruire ou diminuer la valeur de nos œuvres. Et les salafs, as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, à partir des sahaba et des tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien, ils faisaient beaucoup d'efforts pendant le mois de Ramadan pour compléter les œuvres et les faire de la meilleure façon. Hein? Et chacun d'entre nous, s'il est passé à l'école, il a fait des examens, qu'est-ce qu'il fait? Si le professeur lui a donné un travail à faire, une recherche, ou n'importe quel travail à remettre, le professeur, quand il remet le travail ou il donne le travail aux élèves, il va mettre des consignes à respecter pour ce travail ou pour cette recherche. Et il va mettre des conditions. Et la personne, lorsqu'elle termine son travail, qu'elle remet le travail au professeur, le professeur va vérifier si les consignes ont été respectées, si les conditions ont été respectées pour que ce travail-là soit accepté. Et la note que tu vas recevoir pour ce travail va correspondre à la façon dont tu as respecté ces conditions et ces consignes de la part du professeur. Et donc, si un élève fait un gros travail et il met beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts dans ce travail-là, mais qu'il ne respecte pas les consignes du professeur et qu'il ne respecte pas les conditions, le travail sera rejeté. Et la personne va avoir zéro. Et le professeur va pas dire, parce que tu as fait beaucoup d'efforts, parce que tu as veillé pendant plusieurs nuits pour faire ce travail, il va te donner quand même une bonne note. Non. Parce que le travail doit respecter les conditions et les règles. Et la même chose pour les actions et les travaux qu'on fait pour Allah Azza wa Jal et les adorations qu'on fait pour Allah Azza wa Jal, c'est la même chose. Même que c'est plus important encore et plus grand encore. Et donc de vérifier, de respecter les conditions, c'est encore plus important. Donc ça, c'est très important. Allah Azza wa Jal, il ne veut pas de nous qu'on fasse uniquement des actions, n'importe quelle façon, n'importe quelle action. Il nous demande qu'on fasse des actions d'une façon bien spécifique et qu'on fasse des actions quand il le veut, comme il le veut, comme il l'a demandé, avec sincérité, avec ikhlas, avec sidq, avec foi, avec iman. Donc ça c'est important. Et les salafs, ils avaient peur que leurs œuvres soient rejetées ou que leurs actions ne soient pas acceptées, malgré que c'était des gens pieux qui craignaient les péchés, qui s'écartaient de la désobéissance. Ils s'éloignaient des péchés et malgré ça, ils avaient peur que Allah n'accepte pas d'eux. Tandis que beaucoup d'entre nous, illama rahimallah, on est le contraire de ça. On fait beaucoup de péchés, on fait peu d'obéissance et on est certain, presque, lorsqu'on fait du bien, Allah va l'accepter. On se dit, ah ça c'est certain là, que ça va être accepté, Allah il va l'accepter, il n'y a pas de doute. Alors on voit à quel point on est dans la tromperie, on se trompe soi-même si on a cette idée-là. Parce que ceux qui étaient meilleurs que nous, en commençant par les messagers d'Allah et les prophètes, ils craignaient que Allah n'accepte pas leurs œuvres. Alors qu'ils faisaient presque pas de désobéissance, ils ne désobéissaient pas à Allah, ils ne faisaient pas de péché. Et s'ils faisaient des péchés, ils se repentaient immédiatement. Et ils ne persistaient pas à faire un péché ou une désobéissance comme nous. Tandis que nous, qu'on désobéit à Allah constamment, et qu'on fait beaucoup de désobéissance et beaucoup de péchés, et très peu d'efforts, et quand on fait un petit effort dans la religion d'Allah, on a l'impression qu'on a fait l'effort de la dunya, et qu'on a adoré Allah comme personne d'autre avant nous, et on s'imagine que Allah, il va tout accepter ce qu'on a fait, et qu'on est dans l'agrément d'Allah, et qu'Allah est satisfait de nous. Beaucoup d'entre nous ont cette idée-là. Et ça, ça vient du shaitan. Et ça vient des tromperies du shaitan pour que l'être humain soit satisfait de lui-même et pour qu'il, au lieu d'avancer vers l'amélioration et pour aller vers qu'est-ce qui est meilleur et devenir plus pieux et plus fort dans sa foi, il va toujours descendre vers le bas et devenir moins fort dans sa foi et dans sa religion. Pourquoi? Parce qu'il regarde toujours, il se dirige toujours vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a atteint, le summum de la piété. Allahu musta'an. Alors que lorsque tu es conscient que tu as des manquements, que tu es tu es loin de l'agrément d'Allah, tu vas faire beaucoup d'efforts pour essayer de te corriger, de t'améliorer, de te rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui t'aide à devenir meilleur. Allah Azza wa Jal, il a mentionné dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jal, il n'accepte les bonnes œuvres que de ceux qui sont à la taqwa, qui ont à taqwa. À taqwa, c'est de faire les bonnes œuvres et de s'écarter des péchés par crainte du châtiment d'Allah, et par espoir en sa récompense. Donc, al-muttaqoun, c'est les obéissants qui s'écartent des péchés et qui font beaucoup d'efforts pour adorer Allah Azza wa Jal. Et donc, les salafs, ils souhaitaient même que Allah accepte une seule de leurs prières. Et si Allah accepte une seule de mes prières, et si j'aurais la certitude qu'Allah accepte une seule de mes prières, ce serait meilleur pour moi que tout ce qui est dans ce bas monde. Une seule salat. Alors que nous, même si on prie 5 fois par jour, on s'imagine que ça y est, yani Allah, il va tout accepter ce qu'on fait. Mais est-ce que lorsqu'on adore Allah Azza wa Jal, on se pose la question à soi-même, est-ce que j'ai adoré Allah comme il mérite être adoré? Est-ce que j'ai adoré Allah Azza wa Jal comme il mérite qu'on l'adore? Il n'y a pas de doute que personne d'entre nous est capable d'adorer Allah Azza wa Jal comme il mérite d'être adoré. Mais chacun d'entre nous, on fait son effort, on fait son possible, et on espère que Allah Azza wa Jal accepte et nous fasse miséricorde. Parce qu'on a pris en considération les conditions et les règles des œuvres, et on essaie de les faire de la meilleure façon possible. Et on sait que notre Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et donc, à la fin de ce mois d'adoration, il ne faut pas s'imaginer que l'adoration, elle est terminée. Parce que la vie entière du musulman, elle est une vie d'adoration. Et Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adoration. Ça veut dire que le musulman, c'est pas juste dans le ramadan qu'il adore Allah, et c'est pas juste lorsqu'il fait ses 5 prières qu'il adore Allah. Toute son existence, du matin lorsqu'il se lève jusqu'au soir, lorsqu'il se couche, c'est une adoration sans arrêt. Et il ne fait que vivre pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il adore Allah Azza wa Jal pour vivre, et il vit pour adorer Allah Azza wa Jal. Parce que l'islam et l'adoration, c'est pas seulement la salat, mais c'est tout ce que Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but fondamental pour lequel Allah nous a créés. Et une des plus grandes grâces que Allah Azza wa Jal peut donner à l'un d'entre nous, c'est al-istiqama. Al-istiqama, c'est-à-dire d'avoir la fermeté et la constance. La constance dans l'adoration, c'est-à-dire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de rester dans la constance et la croissance, dans la piété, dans l'amélioration et dans l'approfondissement, de rester cramponné, fermement attaché à l'obéissance et à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de l'adorer jusqu'à la mort. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude, c'est la mort. Donc tu dois adorer Allah Azza wa Jal jusqu'à ta mort. Et ta mort, tu ne sais pas quand elle va arriver. Alors tu dois toujours rester constant sur cette adoration-là. Et Allah il dit, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ. Reste sur l'istiqama comme cela t'a été ordonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, un sahabi lui est venu et lui a dit, oh messager d'Allah, donne-moi une parole dans l'islam, je vais demander à personne d'autre après toi. Et il a dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Deux paroles, deux mots, un conseil très court, mais qui a une grande signification. Dis, je crois en Allah et mets-toi sur la droiture, sur la fermeté dans l'adoration. Donc ça, c'est très important de demander ça à Allah et de nous préserver également de l'égarement après la guidance. C'est-à-dire, lorsque Allah Azza wa Jal nous a donné la guidance et la fermeté sur l'adoration, on doit implorer Allah Azza wa Jal de nous garder sur cette obéissance, de nous garder sur cette adoration pour qu'on puisse continuer à rester pieux, à rester bon, à rester sur la droiture. Parce que beaucoup de gens, ils s'égarent sans même s'en apercevoir. Ils s'éloignent du droit chemin sans même le réaliser. Ils quittent l'islam sans même savoir qu'ils ont quitté l'islam. Il y a beaucoup de gens, ils sont sortis de l'islam complètement, mais ils savent plus, ils savent même pas qu'ils sont sortis de l'islam. Parce que de un, pas à cause de l'ignorance qu'ils ont. Ils ne connaissent pas l'islam. Alors, ils ne savent pas s'ils sont dedans ou non. Parce qu'ils ne connaissent même pas les principes. Donc, beaucoup de gens, ils pensent qu'ils sont musulmans, mais ils ne sont pas musulmans, mais ils ne le savent pas. À cause de leur ignorance et de leur égarement. Parce qu'ils vivent dans l'égarement. Nasallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné le dua dans le Coran. Rabbana. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et les gens, ils pensent que pour sortir de l'islam, c'est juste en disant moi je veux plus être musulman. Non, c'est pas juste comme ça. Tu peux dire que tu es musulman toute la journée et dire la ilaha illallah tous les jours et faire la salat et en même temps tu n'es pas musulman. Pourquoi? Parce que tes croyances sont en contradiction avec les croyances de l'islam. Tes paroles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tes actions sont en contradiction avec ta croyance. Et tu t'imagines que tu es musulman, alors que tu ne l'es pas. Parce que ta conviction, elle est corrompue ta croyance elle est corrompue et par conséquent, hein, c'est des actions que tu fais qui n'ont plus d'âme. Sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, tu es musulman, mais dans la guidance que tu suis, tu es loin du droit chemin. Donc tu es musulman, mais un musulman très éloigné du droit chemin, donc tu risques d'un moment ou l'autre de tomber du droit chemin et de tomber dans l'égarement. Et si un musulman se permet de faire tous les péchés qu'il veut et néglige toutes les obligations, eh bien avec le temps, un jour ou l'autre, il va se réveiller, il ne sera plus musulman. Parce qu'il n'y aura plus rien qui va le distinguer du non-musulman. Hein? Et le musulman qui ne fait pas la salat, il ne prie jamais, il ne jeûne pas, quand c'est le ramadan, tu lui demandes, toi tu es musulman? Il dit oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour être musulman? Il dit, je ne mange pas de porc. Et il y en a pour qui des musulmans, ils pensent que d'être musulman, c'est juste pas manger du porc. Et que ça suffit pour être musulman. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on demande à Allah Azza wa Jal la guidance et de nous garder sous la guidance et de ne pas faire dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et de compléter les 6 jours de Shawwal après le mois de Ramadan. Ça fait partie de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne 6 jours de Shawwal après le Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année au complet. Et les ulama ont dit, parce que chaque action que tu fais qui est bonne, elle est multipliée par 10. Donc si tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est 30 jours, tu multiplies par 10, ça fait 300. Et 6 jours, tu multiplies par 10, ça fait 60. Donc 360. Hein? Donc c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. C'est pour ça que c'est recommandé de le faire. Et ceux qui ont manqué des jours, il y en a soit parce qu'ils étaient en voyage ou malades, ou les femmes, par exemple, qui ont leur période, elles doivent reprendre les jours qu'elles ont manqués et ensuite elles font les 6 jours de Shawwal. Et tu peux les faire les uns après les autres, ensemble, collés, ou les faire détachés du moment que tu les fais pendant le mois de Shawwal. Et Inch'Allah, tu auras la récompense. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم